Chapitre 3. Dix-sept fois. Dix-sept fois? Dix-sept fois. Oui, la rouge a passé 17 fois. Est-ce possible? C'est peut-être impossible, mais cela est. Et les joueurs se sont entêtés contre elle? Plus de 900 000 francs de gains pour la banque. 17 fois. 17 fois. À la roulette ou au 30 et 40? Au 30 et 40. Il y a plus de 15 ans que cela ne s'était vu. 15 ans, 3 mois et 14 jours, répondit froidement un vieux joueur appartenant à l'honorable classe des décavés. Oui, monsieur. Et détail curieux, c'était en plein été, le 16 juin 1867. J'en sais quelque chose. Tels étaient les propos, ou plutôt les exclamations, qui s'échangeaient dans le vestibule et jusque sur le péristyle du Cercle des étrangers à Monte-Carlo, dans la soirée du 3 octobre, 8 jours après l'évasion de Carpena du pénitencier espagnol. Puis, au milieu de cette foule de joueurs, hommes et femmes de toute nationalité, de tout âge, de toute classe, il se fit comme un brouhaha d'enthousiasme. On eût volontiers acclamé la rouge à l'égal d'un cheval qui aurait remporté le grand prix sur les champs de course de Longchamp ou d'Epsom. En vérité, pour cette population, tant soit peu interlope, que l'ancien et le nouveau monde déversent quotidiennement sur la petite principauté de Monaco, cette série de 17 avait l'importance d'un événement politique qui eût modifié les lois de l'équilibre européen. On le croira volontiers, la rouge, dans cette obstination un peu extraordinaire, n'était pas sans avoir fait de nombreuses victimes, puisque le gain de la banque se chiffrait par une somme considérable. Près d'un million, disait-on dans les groupes, ce qui tenait à ce que la presque totalité des joueurs s'était acharnée contre cette passe invraisemblable. Entre tous, deux étrangers avaient payé une plus large part à ce que les gentilshommes du tapis vert veulent bien appeler la déveine. L'un, très froid, très contenu, bien qu'il eût passé par des émotions dont la figure pâlie portait encore la trace. L'autre, la face bouleversée, les cheveux en désordre, le regard d'un fou ou d'un désespéré, venait de descendre les marches du péristyle. Et ils allèrent se perdre dans l'ombre du côté de la terrasse du tir aux pigeons. « Voilà plus de 400 000 francs que nous coûte cette maudite série !» s'écria le plus âgé. « Vous pouvez dire 413 000 !» répliqua le plus jeune, du ton d'un caissier qui chiffre le total d'une addition. « Et maintenant, il ne me reste plus que 200 000 francs, à peine !» reprit le premier joueur. « 197 seulement !» répondit le second, avec son flegme inaltérable. « Oui !» Seulement, de près de 2 millions que j'avais encore quand vous m'avez forcé à vous suivre. 1 775 000 francs. Et cela en moins de 2 mois. 1 mois et 16 jours. Sarkany, s'écria le plus âgé, que le sang-froid de son compagnon exaspérait non moins que la précision ironique qu'il apportait à relever ses chiffres. Eh bien, Silas. C'était Silas Torontal et Sarkany qui venaient d'échanger ses propos. Depuis leur départ de Raguse, en ce court espace de 3 mois, ils en étaient arrivés à la ruine, où peu s'en fallait. Après avoir dissipé toute la part qu'il avait touchée pour prix de son abominable délation, Sarkany était venu relancer son complice jusqu'à Raguse. Puis tous deux avaient quitté cette ville avec Sava. Et alors Silas Torontal, lancé par Sarkany sur ses routes du jeu et de toutes les dissipations qu'il comporte, n'avait pas été longtemps à compromettre sa fortune. Il faut le dire, de l'ancien banquier, spéculateur hasardeux s'il en fut, ayant plus d'une fois risqué sa situation dans des aventures financières dont le hasard était le seul guide, Sarkany n'avait pas eu de peine à faire un joueur, un assidu de cercle, et finalement de tripot. D'ailleurs, comment Silas Torontal eût-il pu résister? N'était-il pas plus que jamais sous la domination de son ancien courtier de la Tripolitaine? Qu'il y eût en lui quelquefois des révoltes, Sarkany ne l'en tenait pas moins par un ascendant irrésistible, et le misérable était tombé si lourdement que la force lui manquait pour se relever. Aussi Sarkany ne s'inquiétait-il même plus de ses velléités qui prenaient son complice de se soustraire à son influence. La brutalité de ses réponses, l'implacabilité de sa logique, avaient bientôt remis Silas Torontal sous le joug. En quittant Raguse dans les conditions qui n'ont point été oubliées, le premier soin des deux associés avait été de mettre Sava en lieu sûr sous la garde de Namir. Et maintenant, dans cette retraite de Tétuan, perdue sur les confins de la région marocaine, il eût été difficile, sinon impossible, de la découvrir. Là, l'impitoyable compagne de Sarkany s'était chargée de briser la volonté de la jeune fille pour lui arracher son consentement à ce mariage. Inébranlable dans sa répulsion, se fortifiant dans le souvenir de Pierre, Sava avait jusqu'alors obstinément résisté. Mais le pourrait-elle toujours ? Entre-temps, Sarkany n'avait cessé d'exciter son compagnon à se lancer dans les folies du jeu, bien que lui-même y eût dévoré sa propre fortune. En France, en Italie, en Allemagne, dans les grands centres où le hasard tient boutique sous toutes les formes, à la bourse, sur les champs de course, dans les cercles des grandes capitales, dans les villes d'eau comme dans les stations de bas de mer, Silas Torontal céda à l'entraînement de Sarkany et fut bientôt réduit à quelques centaines de mille francs. En effet, pendant que le banquier risquait son propre argent, Sarkany risquait celui du banquier, et par cette double pente, tous deux allaient à la ruine deux fois plus vite. D'ailleurs, ce que les joueurs appellent la déveine, nom dont ils affublent leur inqualifiable sottise, se prononça très nettement contre eux, et ce ne fut pas faute d'avoir tenté toutes les chances. En définitive, ce furent les tables du baccarat qui leur coûtèrent la plus grande partie des millions provenant des biens du comte Mathias Sandorf, et il fallut mettre en vente l'hôtel du Stradon à Raguse. Enfin, lassé de ces cercles suspects où le « rien ne va plus » des croupiers devait être prononcé dans la langue du Péloponnèse, ils vinrent, en dernier ressort, demander un peu plus d'honnêteté au hasard de la roulette du 30 et 40. S'ils étaient dépouillés maintenant, du moins ne pourraient-ils en accuser que leur propre entêtement à lutter contre des chances inégales. Et voilà pourquoi tous deux se trouvaient à Monte-Carlo depuis 3 semaines, ne quittant pas les tables du cercle, essayant les martingales les plus infaillibles, s'attelant à des marches qui marchaient à rebours, étudiant la rotation du cylindre de la roulette, lorsque la main du croupier s'est fatiguée dans le dernier quart d'heure de son service, chargeant du maximum des numéros qui s'obstinaient à ne pas sortir, mariant les combinaisons simples avec les combinaisons multiples, écoutant les conseils des anciens décavés, devenus professeurs de jeu, faisant enfin toutes les tentatives imbéciles, employant toutes les féticheries niaises qui peuvent classer le joueur entre l'enfant qui n'a pas sa raison et l'idiot qui l'a pour jamais perdu. Et encore, si l'on ne risquait que son argent au jeu, mais on y affaiblit son intelligence, à imaginer des combinaisons absurdes, on y compromet sa dignité personnelle, dans cette familiarité que la fréquentation de ce monde très mélangé impose à tous. En résumé, à la suite de cette soirée qui allait devenir célèbre dans les fastes de Monte-Carlo, par suite de leur obstination à lutter contre une série de 17 rouges aux 30 et 40, il ne restait plus aux deux associés qu'une somme inférieure à 200 000 francs. C'était la misère à bref délai. Mais s'ils étaient à peu près ruinés, ils n'avaient pas encore perdu la raison. Et tandis qu'ils causaient sur la terrasse, ils purent apercevoir un joueur, la tête égarée, qui courait à travers les jardins en criant. « Il tourne toujours ! Il tourne toujours !» Le malheureux s'imaginait qu'il venait de ponter sur le numéro destiné à sortir et que le cylindre, dans un mouvement de giration fantastique, tournait et allait tourner jusqu'à la fin des siècles. Il était fou. « Êtes-vous enfin redevenu plus calme, Silas ?» demanda Sarkany à son compagnon qui ne se possédait plus. Que cet insensé vous apprenne à ne pas perdre la tête. Nous n'avons pas réussi, c'est vrai, mais la chance nous reviendra, parce qu'il faut qu'elle revienne, et sans que nous fassions rien pour la ramener. Ne cherchons pas à l'améliorer. C'est dangereux, et d'ailleurs c'est inutile. On ne réussit pas à changer une veine si elle est mauvaise, et rien ne peut la troubler si elle est bonne. Attendons, et lorsqu'elle sera revenue, ayons assez d'audace pour forcer notre jeu dans la veine. Silas Torontal écoutait-il ses conseils, conseils absurdes d'ailleurs, comme tous les raisonnements quand il s'agit d'un jeu de hasard? Non, il était accablé et n'avait qu'une idée alors, échapper à cette domination de Sarkany, s'enfuir, et s'enfuir si loin que son passé ne pût se retourner contre lui. Mais de tels accès de résolution ne pouvaient durer dans cette âme amollie et sans ressort. D'ailleurs, il était surveillé de près par son complice. Avant de l'abandonner à lui-même, Sarkany avait besoin que son mariage avec Sava fût accompli. Puis il se dégagerait de Silas Torontal. Il l'oublierait. Il ne se souviendrait même pas que cet être faible eût existé, que tous deux se fussent jamais mêlés à des affaires communes. Jusque-là, il fallait que le banquier restât sous sa dépendance. « Silas, reprit alors Sarkany, nous avons été trop malheureux aujourd'hui pour que la chance ne tourne pas en notre faveur. Demain, elle sera pour nous. » « Et si je perds le peu qui me reste ?» répondit Silas Torontal, qui se débattait en vain contre ses déplorables conseils. « Il nous restera encore Sava Torontal, répondit vivement Sarkany. « C'est un atout maître dans notre jeu, et il n'est pas possible qu'on le surcoupe, celui-là. »« Oui, demain, demain, » répondit le banquier, qui était dans cette disposition mentale où un joueur risquerait sa tête. Tous deux rentrèrent à leur hôtel, situé à mi-chemin de la route qui descend de Monte-Carlo à la Condamine. Le port de Monaco, compris entre la pointe Fossinana et le fort Antoine, forme une anse assez ouverte, exposée aux vents de nord-est et de sud-est. Il s'arrondit entre le rocher qui porte la capitale de l'État monégasque et le plateau sur lequel reposent les hôtels, les villas et l'établissement de Monte-Carlo, au pied de ce superbe mont Agel, dont la cime, haute de 1100 mètres, domine le pittoresque panorama des rivages de la Ligurie. La ville, peuplée de 1200 habitants, ressemble à un surtout dressé sur cette table magnifique du rocher de Monaco, baigné de trois côtés par la mer et qui disparaît sous l'éternelle verdure des palmiers, des grenadiers, des sycomores, des poivriers, des orangers, des citronniers, des eucalyptus, des buissons arborescents de géranium, d'aloès, de myrte, de lentisque et de palma Christi, disposés çà et là dans un merveilleux pêle-mêle. De l'autre côté du port, Monte-Carlo fait face à la petite capitale, avec son curieux entassement d'habitations bâties sur toutes les croupes, ses zigzags de rues étroites et grimpantes qui montent jusqu'à la route de la Corniche suspendue à mi-montagne, son échiquier de jardin en floraison perpétuelle, son panorama de cottages de toutes formes, de villas de tout style, dont quelques-unes viennent surplomber les eaux si limpides de cette anse méditerranéenne. Entre Monaco et Monte-Carlo, au fond du port, depuis la grève jusqu'à l'étranglement de la vallée sinueuse qui sépare le groupe des montagnes, se développe une troisième cité, c'est la Condamine. Au-dessus, vers la droite, surgit un mont grandiose, auquel son profil tourné vers la mer a fait donner le nom de tête de chien. Sur cette tête apparaît maintenant, à 542 mètres de hauteur, un fort qui a le droit de se croire imprenable et l'honneur de se dire français. De ce côté est la limite de l'enclave monégasque. De la Condamine à Monte-Carlo, les voitures peuvent remonter par une rampe superbe. C'est à sa partie supérieure que se dressent des habitations particulières et des hôtels dont l'un était précisément celui qu'occupaient Sarkany et Silas Torontal. Des fenêtres de leur appartement, la vue s'étendait depuis la Condamine jusqu'au-dessus de Monaco et ne s'arrêtait qu'à la tête de chien, cette face de dogue qui semble interroger la Méditerranée comme un sphinx du désert libyque. Sarkany et Silas Torontal s'étaient retirés dans leur chambre. Là, tous deux examinaient la situation, chacun à son point de vue. Les vicissitudes de la fortune allaient-elles briser la communauté d'intérêts qui les avait si intimement liés depuis 15 ans? Tout d'abord, Sarkany, en rentrant chez lui, avait trouvé une lettre qui venait de Tétuan et dont il rompit aussitôt le cachet. En quelques lignes, Namir lui faisait parvenir deux informations d'un extrême intérêt pour lui. Premièrement, la mort de Carpena, noyé dans le port de Ceuta à la suite de circonstances assez extraordinaires. Deuxièmement, l'apparition du docteur Antequiert sur ce point de la côte marocaine, les rapports qu'il avait eus avec l'Espagnol, puis sa disparition presque immédiate. Cette lettre lue, Sarkany ouvrit la fenêtre de sa chambre. Appuyé sur le balcon, Le regard distrait, il se mit à réfléchir. Carpe Namor, cela ne pouvait arriver plus à propos. Maintenant ses secrets sont noyés avec lui. De ce côté me voilà tranquille. Plus rien à craindre. Puis, arrivant au second passage de la lettre, quant à l'apparition du docteur Antekirt à Ceuta, ceci est plus grave. Qu'est-ce donc que cet homme? Peu m'importerait, après tout, si depuis quelque temps je ne le trouvais plus ou moins directement mêlé à ce qui me concerne. À Raguse, ses rapports avec la famille Bathory. À Catane, le piège qu'il a tendu à Ziron. À Ceuta, cette intervention qui, en somme, a coûté la vie à Carpena. Là, il était bien près de Tétuan. Mais il ne semble pas qu'il y soit allé, ni qu'il ait connaissance de la retraite de Sava. Cela eût été le coup le plus terrible, et il peut se produire encore. Nous verrons s'il n'y a pas lieu d'y parer, non seulement pour l'avenir, mais pour le présent. Les Sénousistes seront bientôt les maîtres de toute la Cyrénaïque, et ils n'auront qu'un bras de mer à traverser pour se jeter sur Antekirta. S'il faut les y pousser, je saurai bien. Que ce fût-ce là, autant de points noirs à l'horizon de Sarkany, rien de plus évident. Dans la sombre machination qu'il suivait, pas à pas, en face du but qu'il voulait atteindre, auquel il touchait presque, la plus petite pierre d'achoppement l'eût jeté à terre, et il ne se fût peut-être pas relevé. Or, non seulement cette intervention du docteur Antekirt était de nature à l'inquiéter, mais la situation actuelle de Silas Torrental commençait à lui causer de réels soucis. Oui, se disait-il, lui et moi nous sommes acculés au mur. Demain nous allons jouer le tout pour le tout. Ou la banque sautera, ou c'est nous qui sauterons. Que je sois ruiné par sa propre ruine, moi je saurai me refaire. Mais Silas, c'est autre chose. Dès lors il devient dangereux, il peut parler, il peut dévoiler ce secret sur lequel repose maintenant tout mon avenir. Enfin, si jusqu'ici j'ai été maître de lui, à son tour il devient maître de moi. La situation était bien telle que la voyait Sarkany. Il ne pouvait se faire d'illusions sur la valeur morale de son complice. Il lui avait autrefois donné des leçons. Silas Torrental ne regarderait pas à en profiter lorsqu'il n'aurait plus rien à perdre. Sarkany se demandait donc ce qu'il conviendrait de faire. Ainsi absorbé dans ses réflexions, il ne vit rien de ce qui se passait à l'entrée du port de Monaco, à quelques centaines de pieds au-dessous de lui. À une demi-encablure au large, un long fuseau, sans mât ni cheminée, glissait au ras de la mer dont sa coque n'excédait la surface que de 2 ou 3 pieds. Bientôt, après s'être peu à peu rapproché de la pointe Fossinana au-dessous du tir aux pigeons de Monte Carlo, il vint chercher des eaux plus tranquilles à l'abri du ressac. Alors se détacha une légère yole de tôle qui était comme incrustée au flanc de ce bateau presque invisible. 3 hommes y prirent place. En quelques coups d'aviron, ils eurent atteint une petite grève sur laquelle ils débarquèrent à 2, tandis que le 3e ramenait la yole à bord. Quelques instants plus tard, la mystérieuse embarcation, qui n'avait trahi sa présence ni par une lueur ni par un bruit, s'était perdue dans l'ombre, sans avoir laissé trace de son passage. Quant aux 2 hommes, dès qu'ils eurent dépassé la petite grève, ils suivirent la lisière des roches en se dirigeant vers la gare du chemin de fer, et ils remontèrent l'avenue des Spélugues qui contourne les jardins de Monte-Carlo. Sarkany n'avait rien vu. En ce moment, sa pensée l'entraînait loin de Monaco, du côté de Tétuan. Mais il n'y allait pas seul. Il forçait son complice à l'accompagner. « Silas, maître de moi, » se répétait-il, « Silas pouvant d'un mot m'empêcher d'atteindre mon but. » Jamais. Si demain le jeu ne nous a pas rendu ce qu'il nous a pris, je saurai bien l'obliger à me suivre. Oui, à me suivre jusqu'à Tétuan. Et là, sur cette côte du Maroc, qui s'inquiétera de Silas Torrental s'il vient à disparaître? On le sait, Sarkany n'était pas homme à reculer devant un crime de plus, surtout quand les circonstances, l'éloignement du pays, la sauvagerie de ses habitants, l'impossibilité de rechercher et de retrouver le coupable, en rendrait l'accomplissement si facile. Son plan étant combiné de la sorte, Sarkany referma sa fenêtre, se coucha et ne tarda pas à s'endormir sans que sa conscience eût été troublée d'aucun remords. Il n'en fut pas ainsi de Silas Torrental. Le banquier passa une nuit horrible. de sa fortune d'autrefois, que lui restait-il? À peine 200 000 francs, épargnés par le jeu. Et encore, n'en était-il plus le maître? C'était la mise d'une dernière partie. Ainsi le voulait son complice, ainsi il le voulait lui-même. Son cerveau affaibli, empli de calculs chimériques, ne lui permettait plus de raisonner froidement ni juste. Il était même incapable, en ce moment du moins, de se rendre compte de sa situation comme l'avait fait Sarkany. Il ne se disait pas que les rôles étaient changés, qu'il tenait maintenant en son pouvoir celui qui l'avait tenu si longtemps dans le sien. Il ne voyait que le présent avec sa ruine immédiate et ne songeait qu'à la journée du lendemain qui le remettrait à flot ou le jetterait au dernier degré de la misère. Telle fut cette nuit pour les deux associés. Si elle permit à l'un de prendre quelques heures de repos, elle laissa l'autre se débattre dans toutes les angoisses de l'insomnie. Le lendemain, vers 10 heures, Sarkany rejoignit Silas Dorontal. Le banquier, assis devant sa table, s'entêtait à couvrir de chiffres et de formules les pages de son carnet. « Eh bien, Silas, lui demanda-t-il d'un ton léger, le ton d'un homme qui ne veut pas accorder aux misères de ce monde plus d'importance qu'elles ne le méritent. Eh bien, dans vos rêves, avez-vous donné la préférence à la rouge ou à la noire ?»« Je n'ai pas dormi un seul instant. Non, pas un seul, répondit le banquier. Tant pis, Silas, tant pis. Aujourd'hui, il faut avoir du sang-froid, et quelques heures de repos vous eussent été nécessaires. Voyez-moi, je n'ai fait qu'un somme, et je suis dans de bonnes conditions pour lutter contre la fortune. C'est une femme, après tout, et elle aime les gens qui sont capables de la dominer. Elle nous a trahis, cependant. Bah, un simple caprice, et son caprice passé, elle nous reviendra. Silas Dorontal ne répondit rien. Entendait-il même ce que lui disait Sarkany, tandis que ses yeux ne quittaient pas la feuille du carnet sur lequel il avait tracé ses inutiles combinaisons? « Que faisiez-vous donc là ? » demanda Sarkany. « Des marches ? Des martingales ? Diable, vous me paraissez bien malade, mon cher Silas. Il n'y a pas de calcul auquel on puisse soumettre le hasard, et c'est le hasard seul qui se prononcera pour ou contre nous, aujourd'hui. » « Soit, répondit Silas Dorontal, après avoir fermé son carnet. « Et sans doute, Silas, je ne connais qu'une manière de le diriger, » ajouta Sarkany ironiquement. « Mais pour cela, il faut avoir fait des études spéciales, et notre éducation est incomplète sur ce point. Donc, tenons-nous-en à la chance. Elle a été pour la banque hier, il est possible qu'elle l'abandonne aujourd'hui. Et si cela est, Silas, le jeu nous rendra tout ce qu'il nous a pris. Tout ?» « Oui, tout, Silas, mais pas de découragement. Au contraire, de la hardiesse et du sang-froid. »« Et ce soir, si nous sommes ruinés, » reprit le banquier qui vint regarder Sarkany en face, « eh bien, nous quitterons Monaco. »« Pour aller où ? » s'écria Silas Dorontal. « Ah, maudit soit le jour où je vous ai connu, Sarkany, le jour où j'ai réclamé vos services. Je n'en serais pas arrivé où j'en suis. »« Il est un peu tard pour récriminer, mon cher. » répondit l'impudent personnage, et un peu trop commode de désavouer les gens quand on s'en est servi. « Prenez garde !» s'écria le banquier. « Oui, je prendrai garde !» murmura Sarkany. Et cette menace de Silas Dorontal ne put que le fortifier dans son projet de le mettre hors d'état de lui nuire. Puis reprenant, « Mon cher Silas, dit-il, ne nous fâchons pas. À quoi bon ? Cela excite les nerfs, et il ne faut pas être nerveux aujourd'hui. Ayez confiance et ne désespérez pas plus que moi. Si par malheur la Déven s'acharnait encore contre nous, n'oubliez pas que d'autres millions m'attendent et que vous en aurez votre part. Oui, oui, il me faut ma revanche, reprit Silas Dorontal, en qui reparut l'instinct du joueur un moment détourné. Oui, la banque a été trop heureuse hier, et ce soir nous serons riches, très riches, s'écria Sarkany, et je vous promets, Silas, que cette fois nous ne reperdrons pas ce que nous aurons regagné. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, demain nous quitterons Monte Carlo. Nous partirons. Et pour ? Pour Tétuan, nous avons une dernière partie à jouer. Et c'est la belle celle-là, c'est la belle. Chapitre 4. le dernier enjeu. Les salons du Cercle des étrangers, vulgairement le casino, étaient ouverts depuis 11 heures. Bien que le nombre des joueurs fût encore restreint, quelques tables de roulette commençaient à fonctionner. L'aplomb de ces tables avait été préalablement rectifié, car il importe que leur horizontalité soit parfaite. En effet, une défectuosité quelconque qui altérerait le mouvement de la bille lancée dans le cylindre tournant serait vite remarquée et utilisée au détriment de la banque. Sur chacune des 6 tables de roulette, 60 000 francs en or, en argent et en billets avaient été déposés. Sur chacune des 2 tables de 30 et 40, 150 000. C'est l'enjeu habituel de la banque en attendant l'ouverture de la grande saison. Et il est bien rare que l'administration soit obligée de renouveler cette première mise de fonds. Rien qu'avec le refait et le zéro, dont le profit lui appartient, elle doit gagner, et toujours. Si donc le jeu est immoral en soi, de plus il est stupide, puisqu'on opère dans de telles conditions d'inégalité. Autour de chaque table de roulette, 8 croupiers, leur râteau à la main, occupaient déjà les places qui leur sont réservées. À leur côté, assis ou debout, se tenaient joueurs ou spectateurs. Dans les salons, les inspecteurs se promenaient en observant aussi bien les croupiers que les pontes, tandis que les garçons de salle circulaient pour le service et du public et de l'administration, qui ne compte pas moins de 150 employés des jeux. Vers midi et demi, le train de Nice amena son contingent habituel de joueurs. Ce jour-là, ils étaient peut-être plus nombreux. Cette série de 17 à la rouge avait produit son effet naturel. C'était comme une nouvelle attraction, et tout ce qui vit du hasard venait en suivre les péripéties avec plus d'ardeur. Une heure après, les salons étaient remplis. On y causait surtout de cette passe extraordinaire, mais généralement à voix basse. Rien de lugubre, en somme, comme ces immenses salles, malgré la prodigalité des dorures, la fantaisie de l'ornementation, le luxe de l'ameublement, la profusion des lustres qui versent à flot la lumière du gaz, sans parler de ces longues suspensions dont les lampes à huile aux abat-jour verdâtres éclairent plus spécialement les tables de jeu. Ce qui domine, malgré l'affluence du public, ce n'est pas le bruit des conversations, c'est le tintement des pièces d'or et d'argent comptées ou lancées sur les tapis, c'est le froissement des billets de banque, c'est l'incessant « rouge gagne couleur » ou « 17 noir impair et manque » jeté par la voix indifférente des chefs de parti. Tout cela triste. Toutefois, 2 des perdants, qui comptaient parmi les plus célèbres de la veille, n'avaient pas encore paru dans les salons. Déjà, quelques joueurs cherchaient à suivre les chances diverses, à saisir la veine, les uns à la roulette, les autres aux 30 et 40. Mais les alternatives de gains et de pertes se compensaient, et il ne semblait pas que le phénomène de la soirée précédente dût se reproduire. Vers 3 heures seulement, Sarkany et Silas Torontal entrèrent au casino. Avant de paraître dans les salles de jeu, ils se promenèrent à travers le hall où ils furent quelque peu l'objet de la curiosité publique. On les regardait, on les guettait, on se demandait s'ils entreraient encore en lutte avec ce hasard qui leur avait coûté si cher. Quelques professeurs auraient volontiers profité de l'occasion pour leur vendre d'infaillibles martingales s'ils n'eussent été peu abordables en ce moment. Le banquier, l'air égaré, voyait à peine ce qui se passait autour de lui. Sarkany était plus froid, plus fermé que jamais. Tous deux se recueillaient au moment de tenter un dernier coup. Parmi les personnes qui les observaient avec cette curiosité spéciale qu'on accorde à des patients ou à des condamnés, se trouvait un étranger qui semblait décidé à ne pas les quitter d'un instant. C'était un jeune homme de 22 à 23 ans, physionomie fine, air futé, nez pointu, un de ces nez qui regardent. Ses yeux, d'une vivacité singulière, s'abritait derrière un lorgnon à simple verre de conserve. Comme s'il avait eu du vif argent dans les veines, il gardait ses mains dans les poches de son pardessus pour s'interdire de gesticuler et tenait ses pieds rassemblés à la première position pour être plus sûr de rester en place. Convenablement habillé, sans avoir sacrifié aux dernières exigences du gandinisme, il n'affectait aucune prétention dans sa mise. Mais peut-être ne se sentait-il pas très à l'aise avec ses vêtements correctement ajustés. Cela ne saurait surprendre. Ce jeune homme n'était autre que Pointe Pescade. Au dehors, dans les jardins, l'attendait Cap Matifou. Le personnage pour le compte duquel ils étaient venus tous deux en mission particulière dans ce paradis ou cet enfer de l'enclave monégasque, c'était le docteur Antekirt. L'embarcation qui les avait déposés la veille sur la pointe de Monte Carlo, c'était l'Electric 2 de la flottille d'Antekirta. Dans quel but? Le voici. Deux jours après sa séquestration à bord du Ferrato, Carpena avait été mise à terre et malgré ses réclamations, incarcérée dans une des casemates de l'île. Là, cet échappé des prisons espagnoles n'eut pas de peine à comprendre qu'il n'avait changé une prison que pour une autre. Au lieu d'appartenir au personnel pénitentiaire du gouverneur, il était, sans le savoir, au pouvoir du docteur Antekirt. En quel endroit? Il n'aurait pu le dire. Avait-il gagné à ce changement? C'est ce qu'il se demandait, non sans quelque inquiétude. Il était décidé, d'ailleurs, à faire tout ce qu'il faudrait pour améliorer sa position. Aussi, à la première injonction qui lui fut faite par le docteur lui-même, n'hésita-t-il point à répondre avec la plus entière franchise. Connaissait-il Silas Torontal et Sarkany? Silas Torontal, non. Sarkany, oui. Et encore, ne l'avait-il vu qu'à de rares intervalles. Sarkany avait-il des relations avec Zirone et sa bande depuis qu'elle opérait aux environs de Catane? Oui, puisque Sarkany était attendu en Sicile et qu'il y fut certainement venu sans l'issue de cette malheureuse expédition qui se termina par la mort de Zirone. Où était-il maintenant? À Monte Carlo, à moins qu'il n'eût quitté récemment cette ville dont il faisait depuis quelque temps sa résidence et très probablement en compagnie de Silas Torontal. Carpena n'en savait pas davantage, mais ce qu'il venait d'apprendre allait suffire au docteur pour rentrer de nouveau en campagne. Il va sans dire que l'Espagnol ignorait quel intérêt le docteur avait eu à le faire évader de Ceuta pour s'emparer de sa personne et que sa trahison envers Andrea Ferrato fut connue de celui qui l'interrogeait. D'ailleurs, il ne sut même pas que Luigi était le fils du pêcheur de Rovigno. Au fond de cette casemate, le prisonnier allait être plus étroitement gardé qu'il ne l'était au pénitencier de Ceuta, sans pouvoir communiquer avec personne, jusqu'au jour où il serait statué sur son sort. Ainsi donc, des trois traîtres qui avaient amené le sanglant dénouement de la conspiration de Trieste, l'un était maintenant entre les mains du docteur. Il restait à s'emparer des deux autres, et Carpena venait de dire en quel lieu on pouvait les rejoindre. Toutefois, comme le docteur était connu de Silas Torontal, Pierre de Silas Torontal et de Sarkany, il leur parut bon de n'intervenir qu'au moment où l'on pourrait le faire avec chance de succès. Mais maintenant qu'on avait retrouvé les traces des deux complices, il importait de ne plus les perdre de vue, en attendant que les circonstances permissent d'agir contre eux. C'est pourquoi Pointe Pescade, afin de les suivre partout où ils iraient, et Cap Matifou, pour prêter au besoin main forte à Pointe Pescade, furent envoyés à Monaco, où le docteur, Pierre et Luigi, devaient se rendre avec le Ferrato dès que le moment en serait venu. Arrivés pendant la nuit, les deux amis s'étaient mis à l'œuvre. Il ne leur avait pas été difficile de découvrir l'hôtel dans lequel Silas Torontal et Sarkany étaient descendus. Pendant que Cap Matifou se promenait aux environs en attendant le soir, Pointe Pescade, qui se tenait aux aguets, vit sortir les deux associés vers 1 heure de l'après-midi. Il lui sembla que le banquier, très abattu, parlait peu, bien que Sarkany l'entretint assez vivement. Pendant la matinée, Pointe Pescade avait entendu raconter ce qui s'était passé la veille dans les salons du cercle, c'est-à-dire cette invraisemblable série qui avait fait de nombreuses victimes parmi lesquelles on citait principalement Sarkany et Silas Torontal. Il en conclut donc que leur entretien devait porter sur cette extraordinaire malchance. En outre, comme il apprit aussi que ces deux joueurs avaient eu à supporter des pertes énormes depuis quelque temps, il en conclut, non moins judicieusement, que leurs dernières ressources devaient être presque épuisées et que le moment approchait où le docteur pourrait utilement intervenir. Ces renseignements furent consignés dans une dépêche que Pointe Pescade, sans nommer personne, avait envoyée dès le matin à la station de La Valette, à Malte. Dépêche que le fil particulier transmettrai rapidement à Antekirta. Lorsque Sarkany et Silas Torontal entrèrent dans le hall du casino, Poinpescade y entra après eux. Puis, quand ils franchirent la porte des salons de roulette de 30 et 40, il la franchit à leur suite. Il était alors 3 heures après-midi. Le jeu commençait à s'animer. Le banquier et son compagnon firent d'abord le tour des salles. Pendant quelques instants, ils s'arrêtèrent devant les diverses tables, observant les coups, mais n'y prenant point part. Poinpescade allait et venait, en curieux, sans les perdre de vue. Il crut même, afin de ne point attirer l'attention, devoir risquer quelques pièces de 5 francs sur les colonnes ou les douzaines de la roulette, et comme de juste il les perdit, avec le plus admirable sang-froid d'ailleurs. Mais aussi, pourquoi n'avait-il pas suivi l'excellent conseil que venait de lui donner en confidence un professeur de grand mérite ? Pour réussir au jeu, monsieur, il faut s'appliquer à perdre les petits coups et à gagner les gros. Tout le secret est là. 4 heures sonnaient lorsque Sarkany et Silas Torontal jugèrent que le moment était venu de tâter la veine. Plusieurs places étaient inoccupées à l'une des tables de roulette. Tous deux s'y assirent en face l'un de l'autre, et le chef de partie ne tarda pas à se voir entouré non seulement de joueurs, mais de spectateurs, avides d'assister à cette revanche des deux célèbres décavés de la veille. Tout naturellement, Poinpescade se plaça au premier rang des curieux, et il n'était pas l'un des moins intéressés à suivre les alternatives de cette lutte. Pendant la première heure, les chances se balancèrent à peu près. Pour mieux les diviser, Silas Torontal et Sarkany n'avaient point associé leur jeu. Ils pontaient séparément, en faisant des coups assez considérables, soit sur les combinaisons simples, soit sur les combinaisons multiples que présente la roulette, soit sur plusieurs combinaisons à la fois. Le sort ne se prononçait ni pour eux, ni contre. Mais entre 4 et 6 heures, la veine sembla leur revenir. Ce maximum, qui est de 6 000 francs à la roulette, ils le gagnèrent un certain nombre de fois sur des numéros pleins. Les mains de Silas Torontal tremblaient en s'allongeant sur le tapis lorsqu'il avançait sa mise ou quand il saisissait, jusque sous le râteau, l'or et les billets des croupiers. Sarkany, toujours maître de lui-même, ne laissait pas une seule de ses impressions se traduire sur son visage. Il se contentait d'encourager son associé du regard, et c'était Silas Torontal, en somme, que la chance suivait avec plus de constance en ce moment. Poinpescade, bien qu'un peu grisé par ce va-et-vient de l'or et des billets, ne cessait de les observer tous les deux. Cette fortune qui se refaisait sous leurs mains, il se demandait s'il serait assez prudent pour la garder, s'il saurait s'arrêter à temps. Puis la réflexion lui vint que dans le cas où Sarkany et Silas Torontal auraient cette sagesse, ce dont il doutait d'ailleurs, il pourrait être tenté de quitter Monte-Carlo, de fuir en quelque autre coin de l'Europe où il faudrait les rejoindre. L'argent ne leur manquant pas, ils ne seraient plus à la discrétion du docteur Antekirt. Décidément, pensa-t-il, tout compte fait, mieux vaut qu'ils se ruinent, et je me trompe fort si ce coquin de Sarkany est homme à s'arrêter dans la veine. Quelques fussent à cet égard les idées de Poinpescade et ses espérances, la chance n'abandonna pas les deux associés. En réalité, et par 3 fois, ils auraient fait sauter la banque si le chef de parti n'eût fait des ajoutés de 20 000 francs. Ce fut un événement parmi les spectateurs de cette lutte, dont la majorité se montra très favorable aux deux joueurs. N'était-ce pas comme une revanche de cette insolente série de la Rouge, dont l'administration avait si largement profité la veille ? En somme, à 6h30, lorsqu'ils suspendirent leur jeu, Silas Torontal et Sarkany avaient réalisé un gain supérieur à 20 000 louis. Ils se levèrent alors et quittèrent la table de roulette. Silas Torontal marchait d'un pas incertain, comme s'il eût été un peu ivre, ivre d'émotion et de fatigue cérébrale. Son compagnon, impassible, le surveillait, redoutant par-dessus tout qu'il ne fût tenté de s'enfuir avec les quelques centaines de 1 000 francs si péniblement regagné, et de se soustraire à sa domination. Tous deux, sans s'adresser la parole, repassèrent à travers le hall, descendirent le péristyle et se dirigèrent vers leur hôtel. Poinpescade les suivit de loin. En sortant, il aperçut, près d'un des kiosques du jardin, Cap Matifou qui était assis sur un banc. Poinpescade alla à lui. « Est-ce le moment ? demanda Cap Matifou. « Quel moment ? D'entrer en scène ? Non, mon Cap, pas encore. Reste à la cantonade. As-tu dîné ? Oui, point de Pescade. Tous mes compliments. Moi, j'ai l'estomac dans les talons, ce qui n'est vraiment pas la place d'un estomac. Mais je le remonterai si j'ai le temps. Donc ne bouge pas d'ici avant que je ne t'aie revu. » Et Point de Pescade s'élança vers la rampe que descendaient Sarcani et Silas Torontal. Lorsqu'il se fut assuré que les deux associés s'étaient fait servir à dîner dans leur appartement, Point de Pescade se permit de s'asseoir à la table d'hôte. Il n'était que temps, et en une demi-heure, comme il le disait, il eut remonté son estomac à la place normale que cet organe doit occuper dans la machine humaine. Puis il sortit un excellent cigare à la bouche et il se remit en observation devant l'hôtel. « Décidément, murmura-t-il, j'étais né pour être factionnaire. J'ai manqué ma vocation. » La seule question qu'il se posait alors était celle-ci. « Ces gentlemen vont-ils ou non revenir ce soir au casino ?» Vers 8 heures, Silas Torontal et Sarcani parurent sur la porte de l'hôtel. Point de Pescade crut entendre et comprendre qu'ils discutaient vivement. Apparemment, le banquier tentait de résister une dernière fois aux obsessions, aux injonctions de son complice, car celui-ci, d'une voix impérieuse, finit par dire « Il le faut, Silas, je le veux. » Ils remontèrent alors la rampe pour gagner les jardins de Monte-Carlo. Point de Pescade les suivit, sans pouvoir rien surprendre de leur entretien, à son grand regret. Or, voici ce que Sarcani disait, de ce ton qui n'admet pas de réplique, au banquier dont la résistance mollissait peu à peu. S'arrêter, Silas, quand la chance nous revient, ce serait insensé. Il faut que vous ayez perdu la tête. Comment ? Dans la déveine, nous avons forcé notre jeu comme des fous, et dans la veine, nous ne le forcerions pas comme des sages. Comment ? Nous avons une occasion, unique peut-être, une occasion qui peut ne jamais se représenter, d'être maître du sort, maître de la fortune, et nous la laisserions échapper par notre faute ? Silas, vous ne sentez donc pas que la chance... Si elle n'est pas épuisée, murmura Silas Torontal. Non, 100 fois non, répondit Sarcani. Cela ne s'explique pas par Dieu, mais cela se sent, cela vous pénètre jusqu'au moelle. 1 million nous attend ce soir sur les tables du casino. Oui, 1 million, et je ne le laisserai pas échapper. Mais jouez donc, Sarcani. Moi ? Jouer seul ? Non, jouer avec vous, Silas, oui. Et s'il fallait choisir entre nous deux, ce serait à vous que je céderais la place. La veine est personnelle, et il est manifeste qu'elle vous est revenue. Jouez donc, et vous gagnerez. Je le veux. En somme, ce que voulait Sarcani, c'était que Silas Torontal ne se contenta pas de quelques centaines de 1000 francs qui lui eussent permis d'échapper à sa domination. Ce qu'il voulait, c'était que son complice redevint le millionnaire qu'il était, ou qu'il fût réduit à rien. Riche, il continuerait l'existence qu'ils avaient menée jusqu'alors. Ruiné, il faudrait bien qu'il suivît Sarcani partout où celui-ci voudrait le conduire. Dans les deux cas, il n'y aurait plus rien à craindre de sa part. Du reste, bien qu'il essayât de résister, Silas Torontal sentait maintenant toutes les passions du joueur s'agiter en lui. En ce misérable abaissement où il était tombé, il éprouvait à la fois la peur et l'envie de revenir dans les salons du casino. Les paroles de Sarcani lui mettaient le feu dans le sang. Visiblement, le sort s'était déclaré pour lui, et pendant ces dernières heures, avec une telle constance qu'il serait impardonnable de s'arrêter. Le fou, comme tous les joueurs, c'est pareil, il mettait au présent ce qui ne peut jamais être qu'au passé. Au lieu de se dire « j'ai eu de la chance », ce qui était vrai, il se disait « j'ai de la chance », ce qui est faux. Et pourtant, dans le cerveau de tous ceux qui tablent sur le hasard, il ne se fait pas d'autre raisonnement que celui-là. Ils oublient trop ce qu'a récemment dit un des plus grands mathématiciens de la France. Le hasard a des caprices, il n'a pas d'habitude. Cependant, Sarcani et Silas Torontal étaient arrivés devant le casino, toujours suivis par Point de Pescade. Là, ils s'arrêtèrent un instant. « Silas, dit alors Sarcani, pas d'hésitation. Vous êtes décidé à jouer, n'est-ce pas ?»« Oui, décidé à risquer le tout pour le tout, » répondit le banquier dont toutes les hésitations avaient cessé d'ailleurs dès qu'il s'était trouvé sur les premières marches du péristyle. « Ce n'est pas à moi de vous influencer, » reprit Sarcani. « Abandonnez-vous à votre inspiration et non à la mienne. Elle ne peut se tromper. Est-ce à la roulette que vous allez ? Non, aux 30 et 40, répondit Silas Torontal en entrant dans le hall. Vous avez raison, Silas. N'écoutez que vous-même. La roulette vient de vous donner presque une fortune. Aux 30 et 40 de faire le reste. Tous deux entrèrent dans les salons et s'y promenèrent d'abord. 10 minutes après, Pointe-Pescade les vit prendre place à l'une des tables du 30 et 40. Là, en effet, peuvent se faire des coups plus audacieux. Là, si les chances du jeu sont simples, s'il n'y a à lutter que contre le refait, le maximum est de 12 000 francs, et quelques passes peuvent donner des différences considérables de gains ou de pertes. Là est donc le théâtre de prédilection de ce qu'on appelle les grands joueurs. Là, enfin, des fortunes ou des ruines se sont faites avec une rapidité vertigineuse, dont les bourses de Paris, de New York ou de Londres pourraient se montrer jalouses. Devant la table du 30 et 40, Silas Torontal avait oublié toutes ses appréhensions. Maintenant, il ne jouait plus de peur, mais rageusement, ou ce qui est plus exact, comme un homme qui ne doit pas tarder à s'emballer. Peut-on dire, d'ailleurs, qu'il y ait manière de jouer, manière d'engager son argent? Non, évidemment, quoique prétendent les habitués des jeux, puisqu'on est à la merci du hasard. Le banquier jouait donc sous l'œil de Sarkany, dont l'intérêt était double en cette partie suprême, et quelle qu'en fût l'issue. Durant la première heure, les alternatives de perte et de gain furent à peu près égales. Toutefois, la balance finit par pencher du côté de Silas Torontal. Sarkany et lui se crurent alors sûrs du succès. Ils s'excitèrent, comme on dit. Ils ne procédèrent plus qu'à coups de maximum. Mais bientôt l'avantage revint à la banque, dont le sang-froid est imperturbable, qui ne connaît pas les folies de l'emportement et dont ce maximum, imposé aux joueurs, protège les intérêts dans une mesure si considérable. Il y eut des coups terribles. Tout le gain encaissé par Silas Torontal pendant l'après-midi s'en alla peu à peu. Le banquier, effrayant à voir, la face congestionnée, les yeux hagards, se raccrochait au bord de la table, à sa chaise, au paquet de billets, au rouleau d'or que sa main ne pouvait lâcher, avec les mouvements, les soubresauts, les convulsions d'un homme qui se noie. Et personne pour l'arrêter au bord de l'abîme. Pas un bras qui lui fût tendu pour le retenir. Pas une tentative de Sarkany pour l'arracher à cette place, pour l'entraîner, avant que sa perte fût complète, avant que sa tête eût disparu sous ce flot de la ruine. À 10 heures, Silas Torontal avait risqué sa dernière mise, son dernier maximum. Il l'avait gagné, puis reperdu. Et quand il se leva, la tête égarée, pris de cette envie féroce que les salons du cercle s'écroulassent pour l'écraser avec tout ce monde qui les emplissait, il n'avait plus rien des millions que lui avait laissé sa maison de banque, reconstitué avec les millions du comte Sandorf. Silas Torontal, accompagné de Sarkany, qui semblait être son geôlier, quitta les salles de jeu, traversa le hall et se précipita hors du casino. Puis tous deux s'enfuirent à travers le square, vers les sentiers qui montent à la Turbie. Pointe-Pescade était déjà sur leur trace, mais en passant il avait rejoint Cap Matifou. Il l'avait arraché au banc sur lequel l'Hercule dormait d'un demi-sommeil. Il lui avait crié « Alerte ! Des yeux et des jambes !» Et Cap Matifou s'était lancé avec lui sur une piste qu'il ne fallait plus perdre. Cependant Sarkany et Silas Torontal continuaient à marcher l'un près de l'autre et s'élevaient peu à peu en remontant ces sentiers tournants qui serpentent au flanc de la montagne entre les jardins couverts d'oliviers et d'orangers. Ces capricieux zigzags permettaient à Pointe-Pescade et à Cap Matifou de ne pas les perdre de vue. Mais il ne pouvait les entendre. « Rentrez à l'hôtel, Silas !» ne cessait de répéter Sarkany d'une voix impérieuse. « Rentrez et reprenez votre sang-froid. »« Non, nous sommes ruinés. Séparons-nous, je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus. »« Nous séparer ? Et pourquoi ? Vous me suivrez, Silas. Demain, nous quitterons Monaco. Il nous reste une somme suffisante pour gagner Tétuan. Et là, nous achèverons notre œuvre. »« Non, non !» « Laissez-moi, Sarkany, laissez-moi !» répondait Silas Torontal. Et il le repoussait violemment lorsque l'autre voulait le saisir. Puis il s'élançait avec une telle rapidité que Sarkany avait quelque peine à le rejoindre. Inconscient de ses actes, Silas Torontal risquait à chaque pas de tomber dans les ravines abruptes au-dessus desquelles se déroule le lacet des sentiers. Une seule pensée le dominait jusqu'à l'obsession. Fuir Monte-Carlo où s'était consommée sa ruine. Fuir Sarkany dont les conseils l'avaient conduit à cette misère. Fuir enfin, au hasard, sans savoir où il irait, sans savoir ce qu'il deviendrait. Sarkany sentait bien qu'il n'aurait plus raison de son complice, que celui-ci allait lui échapper. Ah, si le banquier n'eût pas connu des secrets qui pouvaient le perdre, ou à tout le moins irrémédiablement compromettre la dernière partie qu'il voulait jouer encore, comme il se fût peu inquiété de l'homme qu'il avait entraîné au bord de cet abîme. Mais avant d'y tomber, Silas Torontal pouvait jeter un dernier cri, et c'était ce cri qu'il fallait étouffer. Alors, de la pensée du crime auquel il était résolu à son exécution immédiate, il n'y avait plus qu'un pas. Et ce pas, Sarkany n'hésita pas à le franchir. Ce qu'il voulait faire sur la route de Tétuan, dans ses solitudes de la campagne marocaine, ne pouvait-il le faire cette nuit même, en ces lieux qui seraient bientôt déserts? Mais à cette heure, entre Monte-Carlo et la Turbie, il passait encore des gens attardés qui montaient ou descendaient les rampes. Un cri de Silas Torontal aurait pu les amener à son secours. Et le meurtrier voulait que le meurtre se fît dans des conditions telles qu'il ne pût jamais être soupçonné. De la nécessité d'attendre. Plus haut, au-delà de la Turbie et de la frontière monégasque, sur cette route de la Corniche, accrochée à plus de 2000 pieds au flanc de ses premiers contreforts des Alpes-Maritimes, Sarkany pourrait frapper à coup sûr. Qui viendrait alors en aide à sa victime? Comment retrouverait-on le cadavre de Silas Torontal au fond de ces précipices qui bordent la route? Cependant, une dernière fois, Sarkany voulut arrêter son complice et tenter de le ramener à Monte-Carlo. « Viens, Silas, viens » s'écria-t-il en le saisissant par le bras. « Demain, nous recommencerons. J'ai encore quelque argent. »« Non, laissez-moi, laissez-moi » s'écria Silas Torontal dans un dernier mouvement de rage. Et s'il eût été de force à lutter contre Sarkany, s'il eût été armé, peut-être n'aurait-il pas hésité à se venger de tout le mal que lui avait fait son ancien agent de la Tripolitaine. D'une main que la colère rendait plus vigoureuse, Silas Torontal repoussa Sarkany. Puis il s'élança vers le dernier tournant du sentier et franchit quelques marches grossièrement taillées dans le roc entre de petits jardins disposés en étages. Bientôt il eut atteint la rue principale de la Turbie sur cet étroit col qui sépare la tête de chien du massif du Mont Agel, ancienne frontière de l'Italie et de la France. « Va donc, Silas !» s'écria une dernière fois Sarkany. « Va donc, mais tu n'iras pas loin !» Puis, se jetant sur la droite, il escalada une petite haie de pierre sèche, gravit lestement un jardin en escalier et se porta en avant de manière à précéder Silas Torontal sur la route. Pointe-Pesca et Cap Matifou, s'il n'avait rien pu entendre de cette scène, avait vu le banquier repousser violemment Sarkany et Sarkany disparaître dans l'ombre. Hé, le diable s'en mêle ! S'écria Pointe-Pesca. C'est peut-être le meilleur qui nous échappe. Il ne manquerait plus que l'autre en fît autant. En tout cas, le Torontal est de bonne prise. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. En avant, mon cap, en avant. Et quelques rapides enjambées les eurent bientôt rapprochés tous deux de Silas Torontal. Celui-ci remontait rapidement la rue de la Turbie. Après avoir laissé sur la gauche le petit tertre que domine la tour d'Auguste, il passa en courant devant les maisons déjà fermées et se trouva enfin sur la route de la Corniche. Pointe-Pesca et Cap Matifou le suivaient à moins de 50 pas en arrière. Mais de Sarkany, il n'était plus question, soit qu'il eût suivi sur la crête des talus de droite, soit qu'il eût définitivement abandonné son complice pour redescendre à Monte-Carlo. La route de la Corniche reste d'une ancienne voie romaine à partir de la Turbie, descend vers Nice à mi-montagne, au milieu de roches superbes, de cônes isolés, de précipices profonds, qui se creuse jusqu'à la ligne du chemin de fer tracé le long du littoral. Au-delà, par cette nuit étoilée, à la clarté de la lune qui se levait dans l'est, apparaissaient confusément six golfes. L'île de Saint-Hospice, l'embouchure du Var, la presqu'île de la Garoupe, le cap d'Antibes, le golfe Juan, les îles de l'Hérins, le golfe de la Napoule, le golfe de Cannes, les montagnes de l'Estérel à l'arrière-plan. Ça et là brillaient des feux de port. celui de Beaulieu, à la base des escarpements de la Petite Afrique, celui de Villefranche, que domine le mont Leusa, puis quelques fanaux de bateaux pêcheurs que réverbéraient les eaux calmes du large. Il était alors plus de minuit. À ce moment, Silas Torontal, presque en sortant de la turbie, abandonna la route de la corniche et se lança sur un petit chemin qui va directement à Aesa, sorte de nid d'aigle à population demi-barbare, crânement perché sur son roc au-dessus d'un massif de pins et de caroubiers. Ce chemin était absolument désert. L'insensé le suivit pendant quelque temps, sans ralentir son pas, sans jamais retourner la tête. Puis soudain, il se jeta, à gauche, dans un étroit sentier qui longe de plus près la haute falaise du littoral, sous laquelle la voie ferrée et la route carrossable passent à travers un tunnel. Pointe-Pescade et Cap Matifou s'y jetèrent après lui. 100 pas plus loin, Silas Torontal s'arrêta enfin. Il venait de s'élancer sur une roche qui surplombait un précipice, dont le fond, à plusieurs centaines de pieds au-dessous, était battu par la mer. Qu'allait faire Silas Torontal? Une idée de suicide avait-elle traversé son cerveau? Voulait-il donc terminer sa misérable existence en se précipitant dans cet abîme? « Mille diables ! » s'écria Pointe-Pescade. « Il nous le faut vivant. Empoigne Cap Matifou et tiens bon !» Mais tous deux n'avaient pas fait 20 pas qu'ils virent un homme apparaître sur la droite du sentier, se glisser le long du talus entre les touffes de lentisques et de myrtes et ramper de manière à atteindre la roche sur laquelle se tenait Silas Torontal. C'était Sarkany. « Eh par Dieu ! » s'écria Pointe-Pescade. « Il va sans doute donner un coup de main à son associé pour l'envoyer de ce monde-ci dans l'autre. Cap Matifou, à toi l'un et à moi l'autre. » Mais Sarkany s'était arrêté. Il risquait d'être reconnu. Une dernière malédiction s'échappa de sa bouche. Puis, s'élançant sur la droite, avant que Pointe-Pescade eût pu l'atteindre, il disparut au milieu des buissons. Un instant après, au moment où Silas Torontal allait se précipiter, il était saisi par Cap Matifou et rapporté sur la route. « Laissez-moi » criait-il. « Laissez-moi !»« Vous laissez faire un faux pas, monsieur Torontal ?» répondit Pointe-Pescade. « Jamais !» L'intelligent garçon n'était point préparé à cet incident que ses instructions n'avaient pu prévoir. Mais si Sarkany venait de s'échapper, Silas Torontal était pris, et il ne s'agissait plus que de le conduire à Antequerta, où il serait reçu avec tous les honneurs auxquels il avait droit. « Veux-tu te charger du transport de monsieur, à prix réduit ?» demanda Pointe-Pescade à Cap Matifou. « Volontiers. » Silas Torontal, n'ayant plus même le sentiment de ce qui se passait, n'aurait pu opposer la moindre résistance. Aussi, Pointe-Pescade, après s'être engagé sur un sentier assez raide qui descendait vers la grève en contournant le précipice, fut-il suivi de Cap Matifou, lequel tantôt traînait, tantôt portait ce corps inerte. La descente fut extrêmement difficile, et sans la prodigieuse adresse de Pointe-Pescade, sans l'extraordinaire force de son compagnon, tous deux eussent peut-être fait quelques mortelles chutes. Cependant, après avoir 20 fois risqué leur vie, ils atteignirent les dernières roches au niveau de la mer. Là, le rivage est formé d'une succession de petites criques, capricieusement découpé dans le massif grésien, bloqué de hautes parois rougeâtres, bordé de récifs ferrugineux qui donnent aux petites lames du Ressac des teintes de sang. Le jour commençait à se faire lorsque Pointe-Pescade trouva un abri au fond de l'une de ces anfractuosités que les mouvements de la falaise ont évidée à l'époque des commotions géologiques et dans laquelle on pouvait déposer Silas Torontal pour l'y laisser à la garde de Cap Matifou. Celui-ci l'y transporta sans que le banquier parût s'en apercevoir, sans qu'il s'inquiétât de ce qu'on faisait de lui. Puis Pointe-Pescade, s'adressant à Cap Matifou, « Tu vas rester là, mon Cap, » dit-il. « Oui, tout le temps qu'il faudra. Même 12 heures, au cas où je serai 12 heures absent. Même 12 heures. Et sans manger? Si je ne déjeune pas ce matin, je dînerai ce soir, et pour deux. Et si tu ne dînes pas pour deux, tu souperas pour 4. » Cela dit, Cap Matifou alla s'asseoir sur une roche de manière à ne pas perdre son prisonnier des yeux. Quant à Pointe-Pescade, il commença à suivre la lisière de cric en cric en se rapprochant de Monaco. Pointe-Pescade devait être moins longtemps à revenir qu'il ne le supposait. En moins de 2 heures, il eut retrouvé l'électrique mouillé dans une de ces anses désertes que les brisants défendent contre la houle du large. Une heure après, la rapide embarcation arrivait devant l'étroite crique où Cap Matifou, vu de la mer, apparaissait comme le mythologique Protée paissant les troupeaux de Neptune. Un instant après, Silas Torontal et Cap Matifou étaient à bord. Puis, sans même avoir été aperçu des douaniers ni des pêcheurs de la côte, l'électrique, lancée à toute vitesse, reprenait la direction d'Antequerta.